Si je change pas, c'est qu'elle aime cette manière de faire. Si je parle pas beaucoup, c'est qu'on m'a appris à me taire. Je craque mon terre, oh, sans stress sur terreau. À chaque occasion, je suis dangereux comme un péno. Ton plaque plus sa mère, je rentre pas dans le panneau. Toi t'es fané, tu tapes 2000 sales pédo. Deux ans que je dis plus bendo, quatre que je dis plus bédo. T'aimerais nous la mettre, mais falafel t'es baisé. Je suis chez Benny Bla, ça me file des surfaites. Des t-shirts, des bananes et une casquette. Tu connais Guapo dans ses claquettes. Salope, je t'ai claqué, je suis tout puissant comme Clark Kent. Hey, je suis tout puissant comme Bruce Wayne. Mon lobby te fout la frousse. Ouais, plongeant sur la scène, on casse tout. J'aime nos petits falas, hey, sont des casques. Et il contrôle et non lo sai. Sei lione, so ciò attento a dove vai. La mia vita è una bitch, la foto e bye. Resto con i bro tutta la night. E perdo il controllo e non lo sai. Sei lione, so ciò attento a dove vai. La mia vita è una bitch, la foto e bye. Resto con i bro tutta la night. Je dois le faire vite, je dois partir. De plus en plus de biches dans la carte. Comme Mazosan, je deviens fou. Tous ces wack MC rendent fou. Lurzon, lurzon, quoi te faire perdre la raison. Tous défoncés dans la maison, je fais même plus attention. Dans le double cap là, je suis sous l'un. Et tes histoires, je m'en bats les reins, je suis fucked up. Je suis high, bro. J'ai juste envie que cette bitch elle danse sur WAM, bro. Elle me demande pas là si en vrai je suis ça, bro. Toute la semaine défoncé, fuck ton samedi soir. E perdo il controllo e non lo sai. Sei lione, so ciò attento a dove vai. La mia vita è una bitch, la foto e bye. Resto con i bro tutta la night. E perdo il controllo e non lo sai. Sei lione, so ciò attento a dove vai. La mia vita è una bitch, la foto e bye. Resto con i bro tutta la night. Dans le lean, on met dans le mille. Là c'est plus mon terrain, j'ai pas peur, on ira. J'ai cassé la pile avec ta copine. Lions-en dans le virage, lions-en pas un mirage. Plus le temps maintenant, t'es con, on va attends. Attends, attends, reviens, Mino. On fait même plus attention, par en ligne. Poker, tapis, all in. J'mets ta depuis au lit. J'arrive pas à dormir cette nuit. Je vais finir au cinéma à draguer cette fille. Plus qu'un selfie, prends ma bouffe au sel. Lions-en, beaucoup stèse. E perdo il controllo e non lo sai. Sei lione, so ciò attento a dove vai. La mia vita è una bitch, la foto e bye. Resto con i bro tutta la night. E perdo il controllo e non lo sai. Sei lione, so ciò attento a dove vai. La mia vita è una bitch, la foto e bye. Resto con i bro tutta la night.